En Corée du Sud, selon Yonhap News, le commandement unifié des armées sud-coréennes a publié de livrer les exercices codés Hogu à partir du 31 octobre jusqu'au 11 novembre. Au cours des manœuvres des forces de terre, de mer et de l'air, sont prévus des exercices d'attaque de toutes sortes, tels que l'application du plan d'opération des corps d'armée à la première ligne du front, les exercices bilatéraux des divisions de l'infanterie motorisée, les exercices conjoints navals et le débarquement. On dit que les JAIS aussi prendraient part à certains exercices.